Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Instant classique, c'est le célèbre bloc de l'émission où on vous présente les meilleurs moments d'assemblage requis. Alors, si tout est prêt et si tout le monde le veut bien, voici la chronique, un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 12 septembre 2011. Je te vois souvent avec ton café, mais tu sais, on dirait que je t'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai pas tendance à prendre du thé le matin. Non, mais bon. Quand même. Je considère que ma religion est athée. Ouais. Ah. Aussi c'est lundi pour tout le monde. C'est ça. Oui. Vous êtes les requins, les requins, requinos, requinos. Requinos. À l'espagnol, requinos. Non? Rokiki. Rokiki? Je sais pas. T'as un rokiki? Hein? Même pour ceux qui connaissent pas ça, le thé comme moi, un peu, je suis un peu un abruti du thé. Un abruti. Un abruté, exactement. Si donc. Voici Got to Lose au 89 FM. C'est fouze. C'est fouze. C'est fouze. Chaque chance que j'ai de faire ça, hein, c'est fouze. On va boire du thé, ça? Non, oui, on s'en va là. On va lire un livre en buvant du thé. Non, on va se parler. C'est en rare regardant qu'on se parle, dans les yeux. Un petit sauna, là? Ouais. Non. Non. Je crois que je vais y aller. Ah, t'es d'accord là? Hey, Blanca! Viens-t'en. On se fait un petit bloc pour écouter les nouvelles pièces du palmarès? Non, j'aimerais ça qu'on parle de météo. OK, combien qu'il fait? C'est pas vrai. Non? Oui, sors ton application iPhone. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, tu peux sortir l'application iPhone. Tu m'as dit l'application iPhone. J'ai plus de pouces. Laisse donc faire. Tout comme il y a des gens qui sont plus garnis de tatou, on les appelle des tatou garnis. Moi, je l'appelle tatou garni. Il est tatou garni. Le gars, il est tatou garni. C'est de même, moi, j'ai dit ça quand j'avais genre sûrement 10 ans. T'sais. C'est resté, c'est un running gag, une blague à la course, c'est comme je dis. Là. Et puis, utilisez-le dans la vie, mais dites copyright Mathieu Plante à la fin. T'sais. Donc, c'est le gars, il est tatou garni. Ouais, ouais. Si tu dis il est tatou garni, c'est Mathieu Plante qui l'a inventé. Si tu dis aussi, comme j'ai dit tantôt, une blague à la course à la place d'un running gag, là, c'est moi, ça. OK. Non, mais là, le crédit est dû, là. OK, OK. Puis si, mettons, exemple, je me prends dans la rue puis je vois un gars plein de tatous, je dis « Hey, tatou garni! » Ben, c'est sûr que tu l'as pris de moi parce que tu l'as pas pris d'ailleurs. Non, je sais. Ouais, ouais. Mais gars veut me péter la gueule. Je dis-tu, attends un peu, on va aller voir mon ami. Tu gardes ça pour toi, tu sais. OK, là, je garde ça pour moi. Au pire, dis-le juste pas au gars, tu sais. Ça, c'est des affaires que tu dis dans le dos du monde, le gars, il est tatou garni, je dis pas dans ta face. Faut pas parler dans le dos des gens, voyons donc. T'es ben trop ben élevé. Lâche-toi, François, hein. Je l'aime tellement, cette pièce-là. Ah oh, ouais? Pour vrai? Je te le dis, Mathieu. Oui, je te voyais pas. J'avais besoin de tasser les affaires. Là, je te vois. Wow, t'es beau. Allô? Puis c'est François-Olivier Marchandet. Et elle, c'est Myriam Fugère. Hey, salut! Puis moi, là. Ah, on a vu Mathieu Plante. Oui, hey, excuse-moi. Oh. J'ai pété la ronde. OK, on recommence. OK. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Elle, c'est Myriam Fugère. Puis lui, l'oublié, Mathieu Plante. Yeah! Célébrons tous ensemble le Mathieu Plante. Je reprenais mes humeurs. Parce que sinon... pas facile, hein? On va devoir sauter de l'autre bord de la table. Puis. Saute-moi pas dessus. Oh! Attends un peu, c'est pas... Ah! Oh, OK. Ah! Je pense que la fille aime ça. Donc, moi, je t'aime. OK, ben moi aussi, apparemment. Et autre compliment, là. À déterminer tout ça. Moi, je dis qu'il fait un petit peu plus froid que ça parce qu'aujourd'hui, pantaloons, hein? Pantaloons. Ouais, pantaloons, mais la pluie? Ah! The rain? The rain in my pantaloons is telling me. On est bilingue aujourd'hui, hein? Ouais, c'est ça. C'est bite-tongues. On est bilingue. Bite-tongues. Langue. Bilingue. Bilingue. L'émission à thème, d'ailleurs, on va toucher la radio pour le premier thème. Oh, intéressant. J'espère que tu seras pas dans un bain quand tu vas toucher la radio. Hein? Ouais. François, tu participes pas? Non. Fais un Richard Turcotte de toi-même. Comme ça, non? Non, ça, non, j'aime pas ça, moi, ça. Okay. Ah, vas-y. C'est lui qui rit de même. Ben, je sais pas, ils sont tous dans le même bain. Toutes des gens. Toutes gang. Mais... On devrait leur lancer une radio, ils sont tous dans le même bain. Ah, ça m'énerve. Ouais, moi aussi. Ouais, je sais pas si on réussit à mettre toutes leurs pièces. On pourrait mettre l'album et puis s'en aller. Ben, c'est ça. Aller se recoucher. Ben oui. Ça ferait un bien meilleur matin que ce qu'on fait en ce moment. Hein? Wow, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 12 septembre 2011. Moi, l'imitation de... Richard Turcotte! Ouais. C'est bien limité quand même. On va péter nos micros en faisant ces affaires-là. Puis les grandes gueules aussi. Bon, ouais, tout, ça fitait. Tous dans le même bain. Ouais. On espère un choc électrique un jour, mais on compte encore... Non, c'est des blagues. Voyons, on ne veut que du bien à tous les humoristes entre très, très, très larges guillemets. Genre. Donc, sur ces moments inconfortables, ces blagues qui tombaient à plat et ces choses qui manquaient d'explication et de contexte, mais qu'on trouve drôle parce que c'est ça, peut-être drôle, encore une fois, en guillemets. On dit pas être des humoristes nous-mêmes, là. Hein. C'est ça. Si c'est drôle, c'est par hasard total. OK. Écoutez Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, pour plus de ces moments et d'autres affaires. Et des chroniques. Les chroniques. Pas. C'est surtout les chroniques. Puis, je pense que c'est la raison principale pour écouter l'émission, c'est les chroniques. C'est certainement pas notre humour. Hey! C'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou! Hey, on a-tu de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, en partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans! Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais! Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques, puis les meilleurs moments d'assemblage requis. Est-ce que c'est pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy!